Grain. Article de l'économiste Quesnay. Les précieux objets du commerce en France sont les grains, les vins et eaux-de-vie, le sel, les chanvres et les lins, les laines et les autres produits que fournissent les bestiaux. Les manufactures des toiles et des étoffes communes peuvent augmenter beaucoup la valeur des chanvres, des lins et des laines et procurer la subsistance à beaucoup d'hommes qui seraient occupés à des travaux si avantageux. Mais on s'aperçoit aujourd'hui que la production et le commerce de la plupart de ces denrées sont presque anéantis en France. Depuis longtemps, les manufactures du luxe ont séduit la nation. Nous n'avons ni la soie, ni les laines convenables pour fabriquer les belles étoffes et les draps fins. Nous nous sommes livrés à une industrie qui nous était étrangère. Et on y a employé une multitude d'hommes dans le temps que le royaume se dépeuplait et que les campagnes devenaient désertes. On a fait baisser le prix du nos blés afin que la fabrication et la main-d'œuvre fussent moins chères que chez l'étranger. Les hommes et les richesses se sont accumulés dans les villes. L'agriculture, la plus féconde et la plus noble partie de notre commerce, la source des revenus du royaume, n'a pas été envisagée comme le fond primitif de nos richesses. Elle n'a paru intéresser que le fermier et le paysan. On a borné leurs travaux à la subsistance de la nation qui, par l'achat des denrées, paie les dépenses de la culture. Et on a cru que c'était un commerce ou un trafic établi sur l'industrie qui devait apporter l'or et l'argent dans le royaume. On a défendu de planter des vignes. On a recommandé la culture des mûriers pour la fabrique de la soie. On a arrêté le débit des productions d'agriculture et diminué le revenu des terres pour favoriser des manufactures préjudiciables à notre propre commerce. Pour gagner quelques millions à fabriquer et à vendre de belles étoffes, nous avons perdu des milliards sur le produit de nos terres. Et la nation, parée de tissus d'or et d'argent, a cru jouir d'un commerce florissant. Les avantages les plus essentiels qui résultent d'une grande population sont les productions et la consommation qui augmentent ou font mouvoir les richesses pécuniaires du royaume. Plus une nation qui a un bon territoire et un commerce facile et peuplé, plus elle est riche. Et plus elle est riche, plus elle est puissante. Les revenus sont le produit des terres et des hommes. Sans le travail des hommes, les terres n'ont aucune valeur. Les biens essentiels d'un grand État sont les hommes, les terres et les bestiaux. Sans les produits d'agriculture, une nation ne peut avoir d'autres ressources que la fabrication et le commerce de marchandises. Mais l'une et l'autre ne peuvent se soutenir que par les richesses de l'étranger. D'ailleurs, de telles ressources sont fort bornées et peu assurées, et elles ne peuvent suffire qu'à de petits États.